L'ombre de Dyden ne reparut plus au puits des sept vierges, qu'était devenu son ami. Le mystère hantait la bédouine au long de ses nuits fiévreuses. L'aurore la trouvait, assise à son travail, blême, l'œil creusé par l'insomnie et l'incertitude. Elle ne tenait plus en place. Sous le moindre prétexte, elle piquait l'aiguille dans son ouvrage et sortait à petits pas du gourbi où elle laissait sa mère inquiète, la guettant du coin de l'œil. Une fois dehors, elle s'échappait par un sentier de laurier rose qui aboutissait sur le derrière de la maison de Dyden. Là, elle se mettait à tourner autour du domaine, rasant ses jardins tranquilles. Elle écoutait à la lourde porte piquée de clous de cuivre. Elle essayait de percer le secret des grands murs blancs, des fenêtres grillagées, des lucarnes ogivales. Des heures entières, elle demeurait sans respiration, le cou tendu, la face inquiète. Mais elle ne surprenait rien. Le calme le plus absolu régnait autour de la splendide demeure. Le jeune Sidi était-il malade? Mais alors, elle aurait vu passer au moins quelques talebs, quelques vieilles massées toutes venant exorciser le seuil de la maison. Parfois, la lourde porte s'entrouvrait pour laisser passage au père de Dyden. Sid Kasbadji sortait de son harem, toujours si fier, la tête haute, majestueusement drapé dans ses burnous de soie. Une autre fois, Aïcha vit arriver Dada la négresse qui revenait du souk, la tête surmontée d'un large plateau de bonbons aux amandes et de coraux de sucre, rigide dans sa gaine de soie rouge et fière des parfums que répandaient sur son passage ses fines pâtisseries. Lasse de tant souffrir, Aïcha prit la résolution de courir à elle, de lui demander enfin où était son jeune maître qu'on ne voyait plus sur les routes de Sidi Boumedine. À ce moment, la négresse l'avait aperçue derrière le laurier rose où elle s'était dissimulée. Un regard terrible, des gros yeux ensanglantés, foudroya la bédouine qui osait rôder dans ces parages. Aïcha recula de peur. Elle ravala sa question dans son gosier. Une semaine encore passa. Dyden restait invisible. Et Aïcha ne put rien savoir de lui. Un matin, elle s'en revenait d'une longue course à la ville, où elle était allée rendre de l'ouvrage et en demander du nouveau. Son paquet de gros draps sous l'aisselle, accablée, elle remontait la route du marabout, tout inondée de soleil. Comme elle arrivait à la hauteur de la fontaine, elle entendit au loin un grand brouhaha, des cris, des you-you, tout un tumulte de foule. Le bruit venait d'en bas. Surprise, elle déposa son fardeau, mit une main en visière au-dessus de ses yeux brûlés par les pleurs et attendit. Elle vit bientôt émerger des sapins une troupe de petits ânes chargés d'enfants en gondoura neuve. Ces enfants gesticulaient, joyeux, secouaient au-dessus de leur tête de minuscules tambours de basque. Elle chantait en chœur, à pleine voix, un refrain qu'elle parvint à distinguer. « Oh ma chance! Ma chance blanche! Oh la chance qu'elle a !» Les hommes venaient ensuite, à pied, habillés de burnous de laine blanche. Leurs bras soutenaient en l'air de grands lustres ciselés à la turque, aux verreries multicolores. Puis, c'étaient des négresses taillées en colosses, sous des gaines de satin rouge, et sur leurs têtes des plateaux de cuivre que garnissaient des monceaux de pâtisserie. Nonchalant, un dromadaire gigantesque terminait ce défilé. Sur sa bosse, drapée de fouta marocaine, un palanquin se balançait, tout de velours cramoisi, avec des franges de soie et d'or. De ce riche dôme flottant, il s'échappait des voix harmonieuses, des you-you, de la musique. Pour quelle occasion ce magnifique apparat? Où se dirigeait la noble fête? Aïcha fouilla dans sa mémoire. Aucun voisin, aucune famille de Sidi Boumedine, à sa connaissance, n'avait annoncé de réjouissance pour ce matin. La caravane avançait sous le soleil. On voyait courir les guides. Quelques adolescents richement vêtus, une main rougie de henné, arrivait à grands pas se joindre au défilé. Les musiciennes invisibles entonnèrent le chant de l'arrivée. « Nous arrivons, nous arrivons. Oh, heureuse entre les heureuses, que Dieu fasse durer ta joie et ton triomphe. » Des portes de petites maisons blanches s'ouvraient au passage. Une à une, sur des fonds de patios bleus ou roses, apparaissaient des têtes de tlemceniennes ornées de foulards d'or et de piquets de jasmin. Des grappes d'enfants sortaient, battaient des mains à l'unisson de ceux qui, juchés sur les ânes, battaient de la derdouka. Le petit bois de cyprès répercutait en écho mystérieux toute cette allégresse. La caravane montait toujours. Aïcha s'était effacée contre la fontaine. Elle avait ramené son voile sur sa gandoura des pauvres, et elle assistait, émerveillée. Soudain un cri lui échappa, un cri de douleur, cri de mort. La caravane commençait à faire halte, là-bas, devant la maison de Sid Kasbadji. Les enfants hurlaient, battaient des mains de plus belle. « La voilà, la mariée de Sidi Diden. La voilà, la mariée de Sidi Diden. » Elle crut qu'elle n'avait pas bien entendu. « Quoi ?» C'était la trahison. Elle resta quelque temps inerte, sous le coup de la douleur. Elle suffoquait. Elle courut jusqu'à la porte de la grande maison. Elle voulut voir de ses yeux s'il était vrai qu'on avait décidé de lui griller le cœur. On accourt de tous côtés, on se bouscule. Le dromadaire s'est arrêté. Sous la flissa du guide, il plie les genoux, pousse un meuglement terrible et s'affaisse, promenant ses yeux ronds sur toute cette foule qui s'empresse autour de lui. Enfin, les doigts ridés d'une vieille musicienne écartent les rideaux du palanquin. « La voilà, la mariée de Sidi Diden. La voilà, la mariée de Sidi Diden. » Le silence se fait brusquement. Un murmure d'admiration court de bouche en bouche. La mariée est éblouissante. Elle apparaît, toute vêtue de tulle pailletée, dans la splendeur de ses 14 ans d'oriental. De grands yeux verts, frangés de cils noirs, la pureté de son teint, son port déjà sévère, la minceur de sa cheville annonce une lala de harem, un modèle de la race andalouse. Beauté de merveille, elle est toute neuve. Son visage est resté comme une pomme protégée de ses feuilles. « Elle vous couche toute, celle-là, » lance un petit arabe, goguenard, du haut de son âne. La porte s'ouvre. Une nuée de femmes en costume de soie et d'or sortent à la rencontre de la mariée, et les enfants de saluer, de battre des mains, de rouler du tambour de basque à tour de bras et de répéter en chœur « La voilà, la mariée de Sidi Diden. La voilà, la mariée de Sidi Diden. » Ces mots pénètrent le cœur d'Aïcha en coup de lame. La tête lui vacille. Il lui faut chercher appui à la muraille de la grande maison pour assister jusqu'au bout. Une forte odeur d'essence de fleurs d'oranger se répand dans l'air. L'une des femmes qui viennent de sortir en asperge la mariée au moyen d'une aiguillère d'or. Une autre lui dépose sous le pied un gros œuf de poule pour qu'elle l'écrase et qu'elle crève en même temps tous les mauvais yeux des envieux. Une troisième lui passe une paire de mules de brocart, dont elle en eut la semelle d'un doigt de miel. Qu'une prospérité aussi douce entre avec cette nouvelle femme dans la maison. Le cortège pénètre sous la porte basse. Pèlerins avec leurs lustres, négresses et leurs cargaisons de pâtisseries, jeunes hommes graves et enfants tapageurs, tout disparaît en un instant. La porte se referme. La musique recommence à l'intérieur, au milieu des jardins entrevus. Devant le seuil, quelques curieuses restent à jacasser, tandis que les guides attachent le dromadaire au tronc d'un saule. Aïcha, plus morte que vive, avait quitté sa place contre la muraille. Elle se traîna jusqu'au paquet d'ouvrages qu'elle avait abandonné près de la fontaine et s'éloigna, chancelante comme une aveugle. Folle, qui avait nourri l'espoir de devenir l'épouse d'un fils de grand Sidi. Elle, la fille du banni, l'orpheline du marchand de légumes, la bédouine des routes de Sidi Boumédine. Toute sa rage venait de se fondre en un désespoir sans fin. La supériorité de cette nouvelle femme l'avait écrasée. Elle apportait sur elle le prestige de la race et l'éclat d'une incomparable beauté. Une telle épouse était seule digne d'un tel bey. Et dans ses bras, elle en était sûre, Diden oublierait vite la pauvre petite amie d'enfance, maigre et brûlée, mesquine et misérable, vers laquelle il était retourné un soir dans un élan de pitié. Les you-you, les chants de triomphe, tous les bruits de la noce résonnaient à travers la campagne. Enfin, elle atteignit le seuil de son gourbi. Elle jeta le tas d'ouvrage aux pieds de sa mère, s'affaissa plat ventre et laissant éclater son désespoir, elle commença de s'ensanglanter les joues.